cours numéro 9. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ماذا أخذنا في درسنا الأخير عندما كي نوغا بيل notre le sujet de notre درس précédent تفضل الأمر الثاني هو القناعة القناعة القناعة بماذا أحسنت بما رزقنا الله سبحانه وتعالى ما معنى القناعة بما رزقنا الله سبحانه وتعالى عند من غيرك تفضل نعم الرضا والتعفف وكذلك ترك سؤال الناس ينسغ بسبا السك الله سبحانه وتعالى ينزدني ف On s'en contente et ça nous suffit. Wa nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuru. Kadhalik, on n'oublie pas anna ba'd an-nas, ils n'ont pas ce qu'on possède. Comme bonne santé, comme argent, comme ni'ma. Tout ça, ça pousse l'insan à être reconnaissant. Et pourquoi il a cité ce point là? Pour démontrer ma'ada? Tadda. Na'am. Lakin, c'est le deuxième point de ma'ada. Il faut citer déjà la chose, thumma cette chose, c'est pour montrer. Hein? Na'am, liman arada al-ma'isha al-tayyiba. Liman arada al-sa'ada fi al-darayn. Al-tariq li-sa'adati al-dunyawiyya wal-ukhrawiyya. Celui qui va être heureux fi al-dunya wal-akhira, il essaie d'appliquer ces trois points. Awalan rahatul qalb. Il soigne ce cœur. بالعلم بالإيمان بالتوحيد وهذا تقدم معنا ثانيا القناعة celui qui veut être heureux لابد من القناعة أما celui qui n'a pas de قناعة qui veut toujours plus كما تقدم معنا هذا il sera jamais content لماذا لأنه il sera jamais satisfait وتقدم معنا الحديث في هذا الباب كلام بعض أهل العلم le troisième point قال وأما الأمر الثالث وهو جهة استعمال هذه النعم فصاحب الدين الصحيح يتناولها على وجه الشكر لله على نعمه والفرح بفضله هذه النعم cette قناعه que tu as pourquoi tu as cette قناعه et tu es satisfait tu te contentes de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné هذا c'est le deuxième point le troisième point انك هذه النعمه تفرح بها اتلوتيليز في طاعة الله عز وجل قال وينوي بها التقوي على ما خلق له من عبادة الله وطاعته هذه النية on doit pas oublier لا نغفل عنها أي الله سبحانه وتعالى t'a donné مثلا ton rizq tu manges, tu bois, tu es en bonne santé لابد من هذه النية pour celui qui veut le khair لنفسه et qui veut être heureux وقلبه يطمئن التقوي على ما خلق له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا on ne doit pas manger que pour manger boire que pour boire on est en bonne santé on est content et ça s'arrête là là il y en a combien de personnes elles sont en bonne santé et wallahi il y en a leur situation elle est pire que les malades لماذا لأن سيد بون سانتي elle sert à quoi à faire des ma'asi à faire des mukhalafat à délaisser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'occuper par d'autres choses et ربما tu peux trouver un mari un malade من المسلمين من الصالحين même s'il marche pas peut-être qu'il voit pas peut-être qu'il a du mal à rester assis peut-être qu'il est cloué dans un lit d'hôpital لكن il est أفضل من هذا الصحيح العاصي أي il est en bonne santé لكن il fait des péchés ça nous montre أن le but c'est pas que la bonne santé là la bonne santé الإنسان يحمد الله عليها et après ensuite ça implique الشكر أي être reconnaissant أي utiliser cette bonne santé في طاعة الله utiliser cet argent في طاعة الله وإلا ça devient fitna comme من غني Al-Ghani, c'est celui qui est à l'aise, qui a de l'argent, le riche. Comme min Ghani est لا يسجد لله سجدة. كافر معرض مجرم. Pourtant les biens qu'il a c'est min ni'am Allah subhanahu wa ta'ala. Qui c'est qui lui a donné هذا? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous montre que هذا المال c'est devenu une fitna contre lui عياذا بالله. Et ce mal ça fait que l'égarer. كما تقدم معنا كثيرا. قال وينفقها محتسبا بها رضا الله وفضله وخلفه العاجل والآجل. سيأتي معنى قوله خلفه ينفقها. هذه سي مجرد أمثلة أو plutôt c'est pour détailler comment tu dois te comporter avec النعم. فمثلا il a cité l'exemple de la bonne santé. وينوي بها التقوي على ما خلق له. كذلك ça peut englober la nourriture إلى آخره. هنا المال. المال c'est une نعمة. Bien sûr, pour celui qui dépense هذا المال في طاعة الله عز وجل. قال وينفقها محتسبا بها رضا الله وفضله وخلفه العاجل والآجل. هذه النية كذلك elle est importante. أنه son objectif avec هذا المال il pense pas qu'à lui. هذا المال له له يا حق الزكاة. Bien sûr, si ce mal il a atteint النصاب bien sûr وحال عليه الحول. مهم, si les conditions elles sont remplies pour الزكاة, il doit sortir الزكاة. Et كذلك il doit pas oublier الخير. ربما avant il avait pas, il était dans une situation délicate, الآن il a, il doit pas oublier les autres. كم مسلم يتمنى peut-être une chose que pour nous c'est rien. ربما بعضهم يتمنى un vêtement, بعضهم يتمنى أن يأكل telle chose, de manger telle chose. Si anta tu peux être la cause annaka tu facilites à ton frère fi hadha al-hal tu seras fi raha. Qala wa ya'lamu annahu idha anfaqa 'ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi aw man yattasil bih fa innama nafaqatuhu sadafat mahallaha wa waqa'at mawqi'aha. Et ça c'est min afdal al-a'mal annafaqa 'ala al-awlad wal ahl. Et ça nous montre qu'on ne doit pas dépenser pour les autres et oublier les proches. Il y en a les proches qui ont un haq azim, khassatan les parents. Je trouve ils ont de l'argent, et ils donnent, et ses parents ils sont fi hajj. Et les parents ils ont un haq azim. Ou ses enfants, ou son épouse, ou ses frères et sœurs, ou ses voisins. Et peut-être qu'il va donner à des personnes qui n'ont pas de lien avec lui. Là, même s'il donne aux autres, il ne doit pas avoir un manquement envers ses proches. قال الشيخ سعدي فلم يتثاقل كثرة النفقة في هذا الطريق لأنه يقول معتقدا هذا أولى ما بذلت فيه مالي. Et هذا c'est un point important. لأن هنا il veut démontrer الشيخ سعدي أن c'est difficile pour eux de donner. Vous connaissez le mot thaqil, quelque chose de lourd. C'est dur, c'est difficile. Pour lui, c'est très très lourd de donner. Même une somme très très basse. La solution, قال الشيخ سعدي فلم يتثاقل كثرة النفقة في هذا الطريق. Pourquoi? Pourquoi Wadanaz, vous avez remarqué, ils ont des facilités à donner. Et d'autres, ils ont moins de facilités. Et d'autres, iyadan billah, bukhlun wa shuhun, ils ne donnent pas. Une des solutions, قال الشيخ سعدي, لأنه يقول معتقدا, هذا أولى ما بذلت فيه مالي. Là, ce n'est pas perdant. Si tu donnes khassatan à tes enfants, à ton épouse, ta femme, à tes parents, à tes frères, à tes sœurs, ce n'est pas perdu. Si tu as une bonne niya, abadan. الله سبحانه وتعالى يتدنغى plus et il va citer بعض الأدلة. قال وهذا ألزم ما قمت به من الواجبات والفروض. نعم, مثلا سيسي على العيال على الأهل, c'est فرض pour le mari, c'est lui qui doit dépenser pour sa femme et ses enfants. هذا الواجب c'est من أفضل العبادات. فne pense pas que c'est de l'argent perdu ou ça va être la cause de ton appauvrissement. أبدا, c'est des حسنات. Et bi idnillah, celui qui a cette intention, C'est une des causes pour qu'il soit heureux. فلهذا الشيخ سعدي l'a cité هنا. قال وهذا خير ما قمت به من المستحبات. مثلا si c'est avec un étranger ou avec tes voisins ou avec tes frères et sœurs et l'akhir, ça peut être من باب المستحب et c'est من أفضل العبادات. لأن الله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Si tu facilites à ton frère, Allah il te facilitera. Tu as donné un peu, Allah il te donnera beaucoup. Tu as donné de l'argent, Allah il te donnera mieux. Robama, c'est une cause qu'Allah il t'ouvre les portes du ilm. Robama, c'est une cause qu'Allah il t'ouvre les portes du fiqh. Robama, c'est une cause Allah il t'ouvre les portes du hifd. Robama, c'est une cause Allah il t'ouvre les portes de l'hijra. Atadri. Wallah subhanahu wa ta'ala ya'lam. Fahad al-khir, on ne doit pas négliger. Et kadari ka sadaqa, c'est pas que pour les riches. بعضهم يزون هذا الفكر أنه إلا ولله الحمد لا أن بو كأن الصدقة سكو بور لي زوت لا ميم سي تو ا بو تتصدق سولون تي مويان بيان سور ميم كلكو شوز دو تري بو أنت ولله الحمد سا فا تانلفي ريان دو تو إي سا فا إت لا كوز كان مسلم يسون يورو إي كذلك أون كوز كو الله يتدن بلوس قال وهذا خير ما قمت به من المستحبات وهذا أعظم ما أرجو له الخلف من الله حيث يقول وهو الكريم الوفي وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فأمل هذه الآية وما أنفقتم من شيء سانغلوبتو من شيء من ألفاظ العموم سابيت ربما درهم واحد سابيت أن درهم سابيت بلوس سابيت موا Tout ce qu'on donne, ça peut être un vêtement, ça peut être de la nourriture. On est fait refla, et on jette la nourriture. Cette nourriture, ça va demander que tu la prépares, tu la poses, tu la mets dans un plat, tu la donnes à Hadal Meskin. Ce petit effort, ça veut dire quoi le khalif huna? Allah subhanahu wa ta'ala, il te remplacera par quelque chose de meilleur. قال وهو خير الرازقين لماذا لأن الله سبحانه وتعالى خير الرازقين الرزاق عز وجل قال ولا يزال نصب عينيه احتساب الأجر في سعيه بكسبه وفي مصرفه أجناس ذلك وأنواعه وأفراده متفطنا لقوله صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها بوجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك في امرأتك أي dans la bouche de ta femme إنك لن تنفق نفقة ça ressemble à قول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء كذلك c'est من ألفاظ العموم ça peut être de la nourriture comme l'exemple qu'il a cité le prophète عليه الصلاة والسلام à la fin du hadith لكن بشرط la condition elle est citée في هذا الحديث تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ أما celui qui donne pour se montrer, celui qui donne pour qu'on dise أنه il est كريم, فَهَذَا عِيَدًا بِاللَّهِ il perd son argent et il se fait beaucoup de mal. قَالَ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا là, au bout de la récompense, لأن الله سبحانه وتعالى c'est الكريم. الله سبحانه وتعالى il voit أن هذا الإنسان il a donné pour lui عز وجل, فإن le récompensera. ثم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ستة مثال هذا المثال تستفيد منه أخي الكريم نجلش بالخير أحيانا نحن في هذا الباب on a du ضعف on dit لكن نعم je donnerai quand j'aurai plus je donnerai quand même une chose ربما pour toi c'est pas grand chose لكن حتى قال ما تجعله في امرأتك أي مثلا un homme il est marié et une bouchée il la donne à sa femme. Et il met dans la bouche de sa femme directement. هذا il est ma'djour. Avec un niya. Al-ihtisab, c'est muhim. Vous avez remarqué que depuis le début, l'an, ces a'mal, ils sont fondés sur ma'da, sur l'ihtisab. On fait ces choses, nous, mais on a un da'f, fi ma'da, fi l'ihtisab. L'ihtisab, c'est dans le cœur. Et quand tu fais cette chose, ton intention, c'est que Allah il soit satisfait de toi. Ton intention, c'est d'être récompensé. C'est ça l'ihtisab. On n'est pas fi ghafla. Hatta noum. النوم سي النعمة فالذي ينام يحتسب هذه النومة et son but c'est de se réveiller tôt se réveiller au fajr ou avancer il peut حتى il est nashit حتى le lendemain il travaille ou يطلب العلم المهم il a cette niya les 5, 6, 7 heures qu'il va dormir, il est récompensé. فالاحتساب c'est très très important. من وفقه الله سبحانه وتعالى للاحتساب فيسرع على خير عظيم. كما قال بعض السلف أن السعادات ستdeviendra des عبادات كما تقدم معنا في شرح الأربعين. العادات c'est des choses, c'est pas des adorations. مثلا manger, boire, dormir. À la base c'est pas des adorations. لكن هو si il a un احتساب, il a cette intention. أنه مثلا il mange c'est pour être en bonne santé, pouvoir lire le Coran, pouvoir faire la hijra, pouvoir étudier, pouvoir se réveiller au fajr, pouvoir kada, il mange pendant 10 minutes, un quart d'heure et il est récompensé. قال الحديث qu'on vient de lire رواه الإمام البخاري رحمه الله عن سعد ابن أبي وقاص قال فمن كان هذا وصفه فإن لذاته الدنيوية هي اللذات الحقيقية السالمة من الأكدار مما يرجو من الثواب العاجل والآجل من الله من كان هذا وصفه. Celui qui fait des efforts pour appliquer هذه النصائح, ces conseils de Cheikh Saadi rahimahullah, هذا il sera في لذة. والله même s'il n'a pas beaucoup, il sera في راحة. لماذا؟ لأن الحمد لله قناعة. L'a'mal qui fait, les œuvres qui fait, même si elles sont peu, il a l'ihtisab. Et il a husnu dhan billah, il espère la récompense. Wa yarju rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, fa yassara ala khair. Qal wa man kanat hadhihi sifatahu, sahula alayhi al-akhad min hilliha, wa wad'iha fi mahalliha, wa yussirat lahu umuruhu ghayat al-taysir. Celui qui a ce mabda, celui qui pense qu'il n'est pas fi ghafla, il n'oublie pas ses points. Fa qala Cheikh Saadi sahula alayhi al-akhd min hilliha wa wad'iha fi mahalliha. Très simplement, il pourra faire des sadaqa. Très simplement, il pourra recevoir et donner. Et il est fi raha. Qala wa amma man ista'mala hadhihi an-ni'am ala wajhi ash-sharah wal-ghafla. Ash-sharah ay ghalabatu al-hirs kama fi Mukhtar as-Sihah. Ghafla, et كذلك il pense beaucoup à dunya, hirs, il exagère. تقدم معنا ce point. قال ولم يفكر في الاعتراف بفضل الله في كل الأوقات وبنعم الله ولم يفرح بالنعم. تأملوا مع أنه il va faire beaucoup d'efforts في الدنيا. Son but ça sera dunya, ولم يفرح بالنعم. Quand il aura atteint son objectif, مثلاً de l'argent ou une voiture ou telle chose, لم يفرح. Même le temps, il n'a plus pour apprécier. Et هذا, vous le voyez في أهل الدنيا. Ils ont, et au lieu de prendre du temps pour apprécier, et قبل ذلك شكر الله سبحانه وتعالى, et utiliser cette ni'ma في طاعة الله, même le فرح, ils n'ont plus. لماذا؟ لأنهم ils pensent déjà à autre chose. Et ça, c'est une fitna, عياذا بالله. Il a un nouveau téléphone, il pense à le nouveau modèle, il n'est même pas encore sorti. Et il critique déjà son téléphone. Et il a une voiture, il prend même pas le temps d'apprécier. Il regarde la voiture du voisin. Thomas, sa voiture, elle lui suffit plus. Il faut une autre. وَهَكَذَا حَتَّى يَمُوتَ عِيَدًا بِاللَّهِ قَالَ لِأَنَّهَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ بَلْ فَرِحَ بِهَا فَقَطْ لِمُوَافَقَةِ غَرَضِهِ النَّفْسِ وَلَا نَوَى بِهَا الْإِسْتِعَانَةَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ. Et même si بعضهم يفرح لا يفرح parce que c'est min fadl Allah azza wa jalla alayh. مثلا بعضهم ils ont acheté une voiture, c'est une ni'ma min ni'am Allah azza wa jalla, si elle est utilisée fi ta'at Allah ila akhir, c'est une ni'ma. لم يفرح, il n'est pas content parce que c'est min fadl Allah. لان هذا الفرح va impliquer ماذا؟ الشكر. Et هذا الانسان لا يشكر الله سبحانه وتعالى. Donc pourquoi il est content? لأنه il est content. قال بل فرح بها فقط لموافقة غرضه النفسي. لماذا؟ لأن c'est un plaisir personnel. هوا عيدا بالله. إما pour se montrer, إما c'est le seul à avoir cette voiture dans cet endroit, إما il rivalise avec un ami ou un voisin. C'est ça son فرح عيدا بالله. قال ولا نوى بها الاستعانة على طاعة الله. أما هذه النية لأهل بعيدة pour أهل الدنيا. أنه son intention c'est d'utiliser cette ni'ma pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa lahtasaba fi naylaha wa sarfaha ala al-munfaq alayhim al-ajr wa thawab. Na'am. Qala faman kana hadha wasfahu fa innal kadar wal huzn lahu bil mirsad. Celui iyadan billah qui est accroché à la dunya, qui n'est jamais satisfait, iyadan billah, même s'il a une ni'ma, la yafrah wa la yashkur, et il n'utilise pas cette ni'ma fi ta'atillah, fa hadha al-kadar wal huzn lahu bil mirsad. Qu'est-ce qui l'attend hadha? Que la tristesse, que les soucis, que l'angoisse, que les problèmes. Même tu lui donnes des millions, des milliards, il sera toujours fi shidda wa dhiq iyadan billah. Qala fa innahu idha fatathu ba'd ash-shahawat an-nafsiyyah hazina. Pourtant il a beaucoup. Tu trouves le bas, disons. Walillahi alhamd. Ils ont beaucoup, ils ont même au-dessus du besoin. Lakin idha fatahu shay. S'il n'arrive pas à avoir telle chose, hazan. Ka'annahu il a rien. Et tu trouves ha'oula, c'est les gens qui se plaignent le plus. Et kadhalik, tu trouves que c'est les personnes les plus faibles. Ayyadan billah. Limada? Il y en a le cœur, il est attaché qu'à dunya. Un cœur qui est attaché qu'à dunya, c'est un cœur faible. Al-quwwa, c'est l'iman. Al-sabr. Iman bil-qadr. Al-ilm. Ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'quwwa. Hadha al-qalb, cette personne, même si elle n'a plus rien, tu trouveras, walillahi alhamd, tasbir. Thabat. Amma, ceux qui sont accrochés à dunya, rabbama, ils perdent un enfant. Ou il perd un bien. Rabbama, il met fin à ses jours. Limada? Lianna, c'est une vie, iyadan billah, qui était fondée sur la tristesse. Qala, wa in adraka ma adrakahu minha, wa lam yakun ala ma fi khatirihi min kulli wajh, hazina. Ta'ammal, wa in adraka ma adrakahu minha. Même s'il arrive à avoir certaines choses. Tellement que ha'oula, ils font des efforts, ils arrivent. Pardon, ils arrivent à avoir une maison, ils arrivent à avoir une voiture. Eh, mais bébé, ha'oula, des vêtements, ils mangent, il a un riz, ils sont finis, ma adhima. Lakin, qal, walam yakun ala ma fi khatihi min kulli wajh hazin. Lakin, vu qu'il veut toujours plus, et robama, il manque une chose. Ou une chose, c'était pas comme il voulait. Hazan, il est triste. Ba'dhum ni'ma min ni'am illahi azza wa jal. Ils ont des ni'am. Et peut-être qu'il est triste, limada, il y en a la couleur, elle lui convient pas. Ou le modèle, il lui convient pas. Au lieu de dire alhamdulillah, certains, ils n'ont pas cela. Certains, ils ont rien, masakin. Et moi, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné hadha shay. Il se plaint. Il se plaint. Il est jamais d'accord, iyadan billah. Qala, wa in arada minhu waladuhu wa man yattasilu bihi nafaqatan, ou kiswatan, wajibatan, ou mustahabatan, hazina. وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ بُخْلُونَ عِيَدًا بِاللَّهِ. Le fait de trop s'accrocher à dunya et s'écarter du din, ça pousse forcément هذا الإنسان au bukhl, l'avarice. C'est pour ça que tu trouves أَشَدُّ النَّاسِ بُخْلًا, c'est الكفار اليهود وغير اليهود. فتأملوا هذا المثال. ربما son enfant ولد تعلمون منزلة الولد pour le père ou pour la mère. C'est pour ça que tu trouves Ba'd al-Muslimin tellement qu'ils aiment leurs enfants et ils ont hadi al-Rahma, ils donnent tout à leurs enfants. Lakin al-Ba'd, iyadan billah, kal-kuffar ou man tashabbaha bihim, qala, wa waladuhu, wa man yattasil bihi nafaqatan ou kiswatan wajiban mustahabba hazina. Rubama, un vêtement wajib pour son enfant. Et tu dois lui acheter, il ne va pas rester sans vêtement. Ou quelque chose de mustahab, ce n'est pas obligatoire, lakin pour lui faire plaisir, même s'il l'achète, حزن إلى تريست عيادا بالله لا هذا ما يليق خاصة pour un مسلم. قال ولم تخرج منه إلا بشق الأنفس. وأحيانا il faut que cet enfant il pleure, il faut que la mère elle demande, il faut صياح, il faut des disputes pour que le père il achète alors qu'il a les moyens et alors que l'enfant il a besoin. C'est quoi le problème? L'enfant il a besoin, تأملوا, l'enfant il a besoin. Ça peut être quelque chose de très très nécessaire pour lui. Et le père, il a. Il n'y a pas de problème. Le père, il a, l'enfant, il a besoin, ça doit être automatique. L'imada, il y a un problème. Il y en a les cœurs, ils sont malades. Ils pensent que s'il donne, ça va lui diminuer. Alors que c'est son enfant. Si ce n'est pas lui qui achète à l'enfant, qui c'est qui va acheter? Marab. سين مرضي عياذا بالله. قال وإن خرجت منه خرج معها بضعة من سرور قلبه لأنه يحب بقاء ماله ويحزن لنقصه أو لنقصه على أي وجه كان وليس عنده من الاحتساب ما يهون عليه الأمر. même si Edom أولا ça va le rendre triste كذلك ربما il était content et il sera plus content لماذا لأنه il a acheté telle chose à son enfant. قال الشيخ السعدي رحمه الله وليس عنده من الاحتساب c'est ça la cause. Il pense qu'il a perdu. Alors que si il aurait appliqué les caractéristiques des hommes pieux, que Cheikh Saadi l'a cité auparavant, on a lu ensemble, au début du dars, al-ihtisab, il sait qu'en achetant à cet enfant, il va rendre heureux son enfant, ça doit le rendre heureux. Thaniyan, هذه النفقة pour ce ولد, si il a un ihtisab, يوم القيامة, il sera récompensé. لماذا لأنه il est responsable, et ولله الحمد, il fait ses obligations. Et remplit sa responsabilité. عند الله, il sera récompensé. لكن, هذا الإنسان, il n'a pas cela. فقال, وليس عنده من الاحتساب ما يهون عليه الأمر. يهون عليه الأمر, et ça lui aurait allégé son affaire, sa tristesse. لكن, il pense qu'à une chose, la somme d'argent, vu que, en dépensant pour son enfant, ça va diminuer. La diminution, c'est forcément mauvais. Enfin, ça les rend tristes. Alors que le mu'min, là, il sait que cette diminution, c'est du khayr. Wa ta'lamoun, hadith, Aisha radiyallahu anha. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a emmené de la viande. Et il a demandé à Aisha radiyallahu anha de faire une sadaqa, de donner. Elle a donné, il restait une partie. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est rentré, faqalat lahu radiyallahu anha, il reste que cette partie. Et j'ai tout donné, il reste que cette partie. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il lui a montré que c'était l'inverse. Bel, il reste tout, il manque que cette partie. Limada li anna, ce qu'ils ont donné, fi sabilillah, ça va rester. Mais cette partie qui reste, elle va partir. Andoro, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il a éduquer ses compagnons et ses proches alayhi salatu wassalam a donné قال هذا ان كان غير بخيل فان كان شحيح النفس مطبوعا على البخل فان حياته مع اولاده واهله والمتصلين به حياه شقاء وعذاب واكدار متواصله واحزان مستمره اما si c'est une personne qui a de l'avarice, al-bukhl, ayyadan billah. Fahada, ahyanan, c'est fin nafs, matbou', comme a dit le Cheikh Saadi, fa in kana shahih an-nafs, matbou'an ala al-bukhl. Ba'dhum, ayyadan billah, ils ont hada fi anfusihim. Lakin, al-mu'mini demande à Allah subhanahu wa ta'ala, al-shifa, et il fait des efforts pour corriger hada. Qala fa inna hayatahu ma'a awladihi wa ahlihi, حياته شقاء وعذاب وأكثر متواصلة. Que des problèmes avec ses enfants, avec son épouse et une vie iyadab billah. Pourtant, tu peux trouver que cette famille, ils ont de l'argent. Arnia peut-être. Tu peux trouver Obama leurs voisins, ils ont pas grand chose et ils sont firaha. Une bonne ambiance à la maison, le sourire wa yafrahoun. Obama hiyanan le père il emmène une petite chose et anhum ils ont peu yafrahoun. Kanhum ils ont c'est une fête عندهم. Et tu trouves l'autre famille qui a l'avarice. Ils ont toujours peur de l'avenir. Toujours en train de compter. Et ils pensent que plus ils serrent, plus ils garderont. Ils sont fédrés. Ya Rabbama ha'oula, Allah subhanahu wa ta'ala les éprouve. Imma bimarad. Imma la maison elle brûle. Imma quelque chose, une amende. T'as pas le choix, tu les sortiras. Falimada hada ta'ab. Qala. لا إيمان عنده يهون عليه النفقات ولا نفسا سخية لا تستعصي عن نيل المكرمات. Cet exemple qu'il a donné, هذا الإنسان لا إيمان, il n'a pas la foi qui va le pousser à l'ihtisab, à donner, à être content, il a akhiri. Et كذلك النفس قال ولا نفسا سخية سخية أي tu le trouves هذا حتى عند بعض الكفار. بعض الكفار ils n'ont pas d'إيمان لكن c'est pas des avares. On peut pas dire que tous les koufars c'est des avares. Là, avares de koufars, tu trouves, ils donnent. il aide les autres, c'est un kafir billahi azza wa jal. هذا الانسان محروم لا ايمان وكذلك ابتلي بالشح وبالبخل. قال فيا له من عذاب حاضر وعذاب مستمر. هذا الانسان كانه il va pas mourir. هذا cet argent الان qui ربما c'est caché, préservé dans un compte en banque, et il fait attention. Peut-être que là, ils ont atteint un âge avancé. Ils vont emmener Hadal Mal avec eux. Il va mourir et sa descendance, ses enfants, ils vont se partager Hadal Mal en une heure. Obama, il a fait des efforts, des années, en une heure le Qisma, au moins le partage. Ça montre un dhaf fi din et kadhalik un dhaf fi l'aql. Mais l'aql, il met l'argent dans ses poches, pas dans son cœur. L'argent, alhamdoulilah, ça vient, ça part. Un jour t'as, un jour tu n'as pas. Et dès que t'as, fais des efforts pour être content. Rendre content tes enfants, ta femme, ta famille. Ou alhamdoulilah. Qala, fa'ayna hada min dhaak alladhi hasalat lahu alhayatu at-tayyiba bi akmaliha. Al-an, Cheikh Saadi conclut la comparaison. Est-ce qu'on peut comparer hada al-kafir? Ça, c'est la situation de beaucoup de kuffar. Avec la situation du musulman qui est à la sunnah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui suit le Coran, un homme pieux, est-ce que c'est comparable? Quand ils sont riches, tu ne peux pas les comparer. Quand ils sont pauvres, tu ne peux pas les comparer. قال هذا كله بالنظر الى هذه الامور الثلاثه التي هي اصل اللذات عند العقلاء قد اتضح لنا ان صاحب الايمان الصحيح هو الذي فاز باللذات الحقيقيه والسلم من المكدرات. Après avoir fini l'explication de ces trois points, et on les répète هنا, rahatul qalb, avec la foi, et son cœur il est apaisé, il est tranquille, al-qana'a, il est modeste, il se contente du peu, il est reconnaissant. Troisième point, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une chose, il n'est pas avare, il donne et il est reconnaissant. Avec ces trois points, bi-idhnillahi azza wa jal, insan il sera heureux. On conclut et on précise, il ne faut pas comprendre le dernier point, le fait de donner. Il ne faut pas comprendre l'insan il donne tout ce qu'il a et il laisse ses enfants ou lui-même ou son épouse. Il y en a beaucoup de musulmans, quand ils entendent ils sont motivés, ça les pousse à donner et ils pensent que faire des économies, ils peuvent penser après ce caleb que faire des économies c'est pas bien, faire attention c'est pas bien. Là, abadan. Le juste milieu fi kulli shay. Al-wasat. Qala al-imam al-allama Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah fi kitab al-ruh. Hada kalam c'est en plus, vous l'avez pas. Faslun al-farq bayn al-iqtisad wa al-shuh. Ibn Qayyim rahimahullah fi kutubihi yad fawaid nafi' jidd. Ça soit dans ses masaïl ou autres. Lakin huwa ya'tani bi hadha. Ay fi kitab ar-ruh, il a un livre qui s'appelle ar-ruh, il traite le sujet de l'âme. Ils l'ont imprimé en deux volumes. Qala faslun al-farq bayna al-iqtisad wa ash-shuh. La différence entre shuh, ça ressemble au bukhl, l'avarice, et al-iqtisad. Al-iqtisad c'est faire des économies, il y a une différence. Qala wa amma al-farq bayna al-iqtisad wa ash-shuh أن الاقتصاد خلق محمود يتولد من خلقين عدل وحكمة. الاقتصاد c'est faire des économies, ne pas gaspiller, c'est un comportement محمود, c'est un bon comportement. المؤمن il doit كذلك faire des économies, faire attention أحيانا. Et هذا الاقتصاد في الحقيقة c'est le fruit de deux choses, العدل والحكمة. Celui qui a du adl, qui est juste, et qui a de la hikma, de la sagesse, ça va le pousser à l'iqtisad ahiyana. Qala, fabil adl, fil man'u wal badl, wa bil hikma, yada' kulla wahidin minhuma mawdi'ahu, alladhi yaliqu bih. Fa qala, na'am, on répète, fabil adl, fil man'u wal badl. Avec l'adl, il va savoir quand donner et quand ne pas donner. L'imam al-yana, il est juste. Ahiyana, la justice va te pousser à donner. Ahiyana, à ne pas donner. Qala wa bil hikma yada' kull wahid minhuma. La hikma va lui permettre de le régler l'adl. Là, on peut se poser la question, quand est-ce qu'il donne, quand est-ce qu'il ne donne pas? il a la hikma, il a l'ilm, il a la sagesse pour savoir. قال الذي يليق به فيتولد من بينهما الاقتصاد. Après avoir eu al-hikma wal-adl, ça va donner forcément al-iqtisad. Il saura quand est-ce qu'il faut donner, quand est-ce qu'il faut dépenser, quand est-ce qu'il faut moins dépenser, quand est-ce qu'il faut faire des économies. لماذا؟ لأنه عدل وحكمة. قال وهو وسط بين طرفين مذمومين. Et al-muslim دائما le juste milieu. ففي هذا الحال هذا المؤمن il sera entre deux extrêmes. قال كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. تأمل هذه الآية. نهي الله nous a interdit ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. Ça c'est un exemple pour montrer l'avarice. أي لا تجعل يدك. أي faut pas que tes mains elles soient attachées au niveau de ton cou. Et c'est une image pour montrer ne pas donner l'avarice. قَالَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْتِ كَدَالِكْ. N'ouvre pas ta main complètement. Ça c'est une autre image pour montrer ne dépense pas à tout va. Entre les deux. قَالَ عَزَّ وَجَلْ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Hey, لأن, si tu donnes trop, rubama, après tu as besoin, anta, si tu donnes tout. Et après tu vas tendre la main vers les autres. Fais-la le juste milieu. قال ابن القيم وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كذلك le juste milieu dans ce verset. إذا أنفقوا لم يسرفوا, ils gaspillent pas, ولم يقتروا كذلك, ils ne servent pas trop, وكان بين ذلك قواما. Et entre le gaspillage et trop dépenser, il y a un niveau, le juste milieu. وقال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. Et manger, buvez, ça implique des dépenses. ولا تسرفوا, et ne gaspillez pas entre les deux. Si tu as besoin, tu même te faire plaisir, tu as le droit. Là, qu'il ne gaspillage là. قال ابن القيم وأما الشح. Et l'avarice. فهو خلق ذميم يتولد من سوء الظن وضعف النفس. أما الشح, l'avarice, أي le dars, ce que Cheikh Saadi l'a cité pour démontrer l'état de كثير من أهل الباطل. قال فهو خلق ذميم, c'est un mauvais comportement. Ce mauvais comportement, il vient d'où? C'est le fruit de quoi? قال يتولد من سوء الظن وضعف النفس. سوء الظن, هؤلاء ils ont toujours peur du lendemain. Ils ont peur que Wahid leur prend, ils se sentent agressés. C'est pour ça que ça devient des avares. عيادًا بالله. قال وضعف النفس. ضعف النفس c'est lié à ضعف الإيمان. C'est pour ça que tu trouves أشد الناس ضعفًا c'est الكفار. قال ويمده وعد الشيطان. كذلك الشيطان. Il fait peur à هؤلاء. كما قال عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان il te fera peur. Si tu veux donner un peu, il te fera peur. Lakin, peut-être que tu ne trouveras plus de travail. Peut-être que demain, peut-être. Hatta tu sers et tu ne donnes plus rien. Là. Entre les deux, comme taqaddam. Al-shaytan, il ne veut pas notre bien. Al-faqr, c'est biqadarillah. Si tu dois devenir pauvre, tu deviendras pauvre. Même si tu ne donnes rien. Et si tu donnes, et Allah, il a qadr que tu deviendras pauvre, que pas pauvre, enfin, tu peux donner, tu ne deviendras jamais pauvre. Ça revient à quoi? Husnu dhan, billahi azza wa jal. Qala. حتى يصير هلعا والهلع شدة الحرص على الشيء والشر به فيتولد عنه المنع لبدله والجزع لفقده. نعم الهلع عيادا بالله طمع. Il pense que الدنيا, il veut tout et ne pas partager avec les autres, et ça va le pousser à quoi? À ne plus donner. كذلك الجزع. الجزع c'est le خوف. Il aura peur de la pauvreté, il aura peur de l'avenir. كما قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. انتهى كلامه. إن الإنسان خلق هلوعا. الإنسان beaucoup de gens ils ont été créés هكذا طمع إزام المال. إذا مسه الشر جزوعا, quand il est touché par quelque chose, خلاص جزع, il a peur et il se plaint. Peut-être il a été touché par une amende, peut-être un accident, peut-être il a perdu telle chose. قال وإذا مسه الخير, quand il est touché par un bien. مثلا il a gagné de l'argent, مثلا cette porte de risque elle a été ouverte, c'est quoi le résultat? قال واذا مسه الخير منوع. منوع ça vient de le منع, اي il donne plus, عياذا بالله. Donc le juste milieu, le juste milieu, dépenser c'est طيب, لكن الانسان يفعل الاسباب, il fait les asbab et il sait quand dépenser, quoi donner, et inshallah il sera à la khayr. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-thabat wa al-tuqa wa al-afaf wa al-ghina, et inshallah notre prochain dars on continue à la lecture de cette risala.